Deutéronome 3, les premières victoires, les tombèrent victoire. Au tombe devant ton bras, les murailles cèdent sans tarder, car nul géant ne résiste longtemps quand tu décides d'agir sans délai. Tu donnes les premières terres, tu montres que la promesse est réelle. Mais Moïse regarde encore de loin ce qu'il ne franchira pas lui-même. Tout n'est pas donné au même temps, mais tout est accompli au bon moment. Tu nous donnes des victoires d'assurance pour nourrir notre foi en chemin. Tu montres que ce que tu as promis commence déjà.